amis qui réunit tout spécialement pour parler de frères des gens. Yo pas chercher travail, yo plutôt avec la caille. Yo gain habilité pour faire des habilités. Tripotage pas de jamba, rien que des blousas. Zami chercher travail, oh, m'senti wap pas son drap. Après tout, cap comprendre. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe réunis tout spécialement pour parler de frères des gens. Yo pas chercher travail, yo plutôt rétablir. Yo gain habilité pour faire des habilités. Tripotage pas de jambal, rien que des blousas. Sans m'y chercher travail, oh, me senti wap pas son drap. Après tout, m'y ap comprendre. Tête tout moun chaud. Yeah. famim yo. Wap koute mesaj. Koute. Se nan kompanye. Oh, ivye zanmim yo. Rassemble koun koute. Sa son mesaj d'amour koute l non. Rassemblé pour nous goûter. Son message fraternité. C'est notre compagnie. Oh, il me semble. Écoute. Ça, son message d'amour. C'est notre compagnie. Oh, il vient son mignon. Message, ça, c'est pour.